Section 11 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 11. L'adoré, par René Mézeroy. Juillet 1885. Ce matin, elle s'est réveillée prise d'un désir fou de faire des confitures. Alors, il a fallu courir au verger, dans les hautes herbes jaunies, d'où s'envolent des nuées de sauterelles. Je lui tenais l'échelle, et jupe troussée, comme une vraie paysanne, bras nus, coiffée de 4 épingles, elle a commencé la cueillette. Comme elle était jolie dans ce flot de lumière qui trempait ses cheveux, qui dorait ses joues roses, comme son large chapeau de paille s'encadrait parmi les feuilles luisantes et les fruits écarlates de cerisier. Des abeilles bourdonnaient autour d'elle. Une chanson d'homme montait au loin de la route. En la voyant ainsi jeter les cerises d'un geste de gamine, en écoutant ses rires sonores qui éclataient pour un rien, qui gonflaient sa gorge comme d'un roucoulement, tout ce que je savais de Virgile, toutes les bribes d'églogues jadis apprises au collège me revinrent dans la cervelle, et elle faillit dégringoler de surprise en m'entendant tout à coup psalmodier gravement des vers latins. Quelle joyeuse confiture, et comme elles seront bonnes! Les corbeilles, pleines jusqu'au bord de fruits rouges, nimbées de guêpes gourmandes, s'écroulaient sur la table propre de la cuisine. D'un bout à l'autre du château s'évaporaient des odeurs de vanille et de sucre, et les chaudrons de cuivre flambaient sur le feu de reflets aveuglants. Marthe s'était attachée à la taille un grand tablier, et elle remuait, elle goûtait, elle se barbouillait de taches avec le sérieux d'un enfant de cœur qui sert sa première messe. Et elle me harcelait de sa voix querelleuse, me grondait de ne pas l'aider, s'écriait en tapant du pied sur les briques usées par les lourds sabots des servantes. « Oh, un homme, ça ne sait rien faire !» Comme les heures passent vite, maintenant que je suis heureux. Fin de la section 11, enregistrée par Margot.